Bonjour et bienvenue, chers contejois et contejoises, à votre émission préférée au Pays des Contes sur Radio Campus 93.3. L'équipe est au complète avec Virginie. Bonjour. Pierre. Bonjour. Et moi, bien sûr, Christine, qui vous salue. Bonjour. Aujourd'hui, émission très spéciale, car ce n'est pas un, deux ou même trois invités, mais 250. Et pas de panique, les assurances, restez calmes. Ne nous tombez pas dessus. Tout le monde est bien dans le studio, mais sur CD ou en enregistrement. Et oui, nous avons joué les reporters pour vous. Je ne vous en dis pas plus. Préparez vos oreilles en éteignant vos téléviseurs et vos ordinateurs, en lâchant vos consoles de jeu et en vous installant confortablement pour vous laisser transporter dans le monde magique de Mélie Mélotre. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Pays des Contes. Alors, comme disait Christine, c'est une émission spéciale aujourd'hui parce que nous sommes donc en direct de notre studio à Clermont et c'est un reportage de Christine que nous diffusons. Eh bien oui, elle sera donc à la fois en studio et aussi à l'hôpital d'Estaing. Elle est vraiment trop forte, Christine. Enfin, elle a rencontré tout un collectif et donc ils sont si nombreux qu'il est un petit peu difficile de tous les citer. C'est pour un projet livre CD offert aux enfants hospitalisés, donc région Auvergne-Limousin. Alors, on va écouter tout de suite un premier extrait de cet album. Il s'agit de Mélie Mélotre, qui est d'ailleurs donc le titre de ce projet. À tout de suite. Je suis autre, Mélie Mélotre, ta vie c'est la nôtre, toi que je ne connaissais pas, du bout du monde et te voilà, dans mon histoire copier-coller, marquée de tes rêves étoilés, Mélie Mélotre, tu es moi, je suis autre. N'avais pas encore vu plus loin que le bout de mon nez. Je suis parti vers l'inconnu et tout son ciel m'a emporté. Mélie Mélotre, tu es moi, je suis autre. Mélie Mélotre, ta vie c'est la nôtre. Je vous le disais, eh bien Christine est donc partie en reportage exclusif à l'hôpital d'Estaing, donc pour rencontrer tout un collectif sur un livre avec donc il y avait les auteurs, les musiciens, les illustrateurs, il y a aussi bien entendu tous les partenaires, etc. Christine vous en parlera mieux tout à l'heure pour vous raconter un petit peu ce projet, cette association et tous les gens qui gravitent autour de ce livre et même au-delà de ce livre, tout ce qu'il y a autour, elle est mieux placée que moi pour en parler. Mais tout de suite, on va diffuser parce qu'elle est partie avec son petit enregistreur, donc pour faire des interviews, pour rencontrer tous ces gens-là, tous ces acteurs et les enfants, et aussi eh bien avant d'arriver et de rencontrer tout ce petit monde, et eh bien elle a parcouru et rencontré et fait pas mal de petites aventures. Nous sommes le vendredi 27 janvier 2012. Il est 14h45. Je suis dans les rues de Clermont. J'approche tout doucement du hall d'entrée du CHU Destin. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, nous allons le découvrir ensemble. Le sas passé, il faut trouver la salle des ascenseurs, qui doit se trouver normalement sur la droite. Le CHU Destin, grande baie vitrée, grand mur gris, blanc. La lumière rentre, les gens aussi. Ils sortent. Des masques nous accueillent avec de gros yeux. Tout un conte rien qu'à eux. On a une jolie vue du premier étage, la vue sur l'accueil. Heureusement, les papiers sont bien rangés. Les tableaux sont tout aussi froids. Reste à trouver le grand couloir qui devra m'emmener à la salle des enfants. Ça y est, c'est ici. À peine arrivé, le doux son de la guitare. Bam, envahit l'espace avec ses notes de musique. Juste à côté, des crayons qui glissent sur une feuille. Mais qui est le dessinateur ? Bonjour. Et est-ce que le dessinateur a un prénom ? Grégory. Sur la table, le livre. Le livre pour lequel nous sommes ici. Mélie, Mel, autre. Un livre à nul autre pareil. Connais-tu Léo, Léo le chameau, c'est l'ami de Léon, Léon le piton. Connais-tu Loulou, Loulou le matou, c'est l'ami de Lilian, Lilian le pélican. Connais-tu Firmin, Firmin, le babouin, le lapin. C'est l'ami de François, François, le boa. Connais-tu Louisette, Louisette, la belette. C'est l'ami de Lulu. Lulu, c'est la tortue. Connais-tu Nanar, Nanar le canard. C'est l'ami de Jackie. Jackie, Ouistiti. Ouistiti. Connais-tu Pablo? Ah, oh, Pablo. Le manchot. Le manchot. C'est l'ami de Lucie, Lucie l'Otari. Ok, alors on y va. Connais-tu Léo, Léo le chameau, c'est l'ami de Léon, Léon le piton. Connais-tu Loulou, Loulou le matou, c'est l'ami de Lilian, Lilian le pélican. Allez, connais-tu Firmin, Firmin le babouin. C'est l'ami de François, François le boa. Louisette, Louisette la belette. C'est l'ami de Lulu, Lulu la. La la la la la la. Connais-tu Nana? Nana le. C'est l'ami de Jackie. Ah, Jackie. Whistiti. Connais-tu Pablo? Pablo le mouton. C'est l'ami de Lucie. Lucie l'Otari. Et voilà. C'était la chanson des animaux. Radio Campus 93.3. Ah bravo, bravo, bravo à cette fabuleuse association donc, qui s'appelle Aide et soutien aux enfants malades. Donc cette association a été créée en 1994 par Bernadette Pénard suite à un projet personnel et professionnel qui était réaliser un mémoire pour une formation. Elle était très sensibilisée à la maladie qu'elle côtoie au quotidien, puisqu'elle travaille dans une clinique, une polyclinique à Saint-François à Montluçon depuis 20 ans. Et une expérience personnelle, vécue avec un enfant hospitalisé. Eh bien, tout ça, elle s'est dit que d'associer l'amour des livres, les récits, les ateliers, bah, ça pouvait apporter énormément, énormément dans ces milieux un petit peu froids et qui font peur autant aux malades qu'aux soignants aussi et aux familles. Donc l'objectif de cette association est de dédramatiser l'hospitalisation de l'enfant malade, d'ouvrir l'hôpital sur l'extérieur et de sensibiliser les enfants non malades à l'ensemble de ces activités dans les services pédiatriques. Elle compte aujourd'hui une centaine de bénévoles. Mais cette association donc, qui a été créée en 1994 a à son actif déjà 5 livres. Enfin, celui-là est le cinquième. Donc le premier en 95, Nuages, Parfums de Lune, a été édité à 5000 exemplaires. Puis en 98, ils ont renouvelé avec Faridoul, 11500 exemplaires. En 2003, Ami Mo, 18500 exemplaires, et en plus après ils ont rajouté un CD, ils ont refait 5000 exemplaires en 2005. En 2008 c'était Si je t'écris, donc là ils sont montés déjà en quantité, enfin 17500, mais avec le CD. Et là cette année, donc en 2011 exactement, Mélie mais l'autre, donc qui est sorti directement avec le CD audio, donc des lectures, plus le CD des chansons et plus le livre, et tout ça hein, pour 20 000 exemplaires. Les trois premiers livres, en plus, il faut savoir qu'ils ont été retranscrits en braille par l'Institut des jeunes aveugles Les Charmettes à Yzeure. Tout cela, en plus, il y a une trentaine de bénévoles qui animent tous les samedis, les dimanches, divers ateliers au service pédiatrique, etc. Elle participe également à Livre en Fête. Enfin bon, c'est une vraie machine à faire du bonheur, tout simplement. Ça, mais c'est une très très belle machine à faire du bonheur, ouais. Justement, parce que le livre est très beau, très ouais. Coloré, les illustrations sont très belles et très gaies. Les chansons aussi, la plupart d'entre elles sont quand même rigolotes, entraînantes, les histoires sont sympas aussi. Et c'est bien parce que quand on voit la présentation qu'a fait Christine en arrivant à l'hôpital Destin, et aussi là, quand elle en parle, c'est tellement solennel. Voilà, c'est le petit rayon de soleil hein, qu'il faut penser justement. C'est un rayon de soleil dont on parle. Et voilà. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Moi, je suis pleine d'émotions parce que voilà, c'est des gens qui vont jusqu'au bout, qui portent un projet. Et je veux dire, il y a quand même 250 personnes, enfin enfants, qui ont participé à ce livre. Parce qu'il y a des écoles, c'est ça, qui ont enregistré, qui Alors, ont écrit. Il y a des écoles, il y a eu des ateliers d'écriture qui étaient animés par Michel Cordebeuf, qui est écrivain. Il y a 25 textes qui sont issus de l'année, enfin je ne sais plus, il y a une quinzaine d'écoles à peu près, sur l'année scolaire 2009-2010. Donc oui, c'est ça, 15 structures montluçonnaises. Et comment, il y a des illustrateurs, donc les illustrateurs, on retrouve les dessins donc des écoles, des maternelles, mais aussi de professionnels, comme Grégory, j'ai oublié son prénom, et Fabienne son nom, et Fabienne Saint-Guy. Mais bon, on les entendra tout à l'heure. Fabienne Saint-Quin. Saint-Quin, parce que je les ai également interviewés. Il y a les deux CD audio, donc ils ont été enregistrés au studio personnel de Jean-Pierre Chauvet, qui est également auteur et compositeur de beaucoup de chansons dans l'album. L'interprète aussi, et il me semble qu'il a composé aussi donc BAM. C'est avec lui que nous avions eu contact dès le départ, déjà il y a quelques années, il y a 2 ans, hein, je crois, la première fois qu'on a pris contact avec cette association. Mmh. Et non, mais c'est vrai, tu as raison, ça manquait un petit peu de gaieté, tout non, ça. Mais on sent que ça vient du cœur, et on voit aussi qu'il y a beaucoup de partenaires aussi qui ont participé au projet, comme EDF, la Caisse d'Épargne, la Montagne, tout ça. Mais bon, on en parlera plus tard. On pourrait peut-être écouter le petit mot de la présidente, oui, justement, de cette association. Oui, Bernadette Pénard. Et bien voilà, après tous ces jolis morceaux de musique et ces lectures, j'ai en face de moi Bernadette Pénard, la présidente de l'association d'aide et de soutien aux enfants malades, et un peu plus d'ailleurs que la présidente, puisque vous êtes la créatrice de cette association. Oui, c'est ça. J'ai créé l'association en 1994 suite à un projet personnel et professionnel qui était de faire un mémoire suite à une formation. Donc c'est un mémoire que j'ai destiné à l'accueil des enfants hospitalisés et comment accueillir d'une autre façon les enfants qui sont hospitalisés. Donc l'aventure a débuté en quelle année exactement ? L'aventure a débuté en 1994. Voilà, donc depuis 1994, l'association s'est créée. Vous avez réuni vraiment autour de vous beaucoup de bénévoles. Méni Mélautre est quand même le 5e livre. Comment s'est déroulée cette initiative de création de livres ? Alors bon, je suis déjà une passionnée du livre, j'aime beaucoup les livres. J'ai aussi des expériences avec des enfants hospitalisés, des partages autour de livres, de contes qui m'ont peut-être sans doute beaucoup marquée, puisque d'instinct j'ai dirigé mon mémoire sur l'accueil par le livre, l'accueil des enfants par le livre. Oui, et en plus, ça tombe bien que vous parliez du conte, puisque l'émission chez nous s'appelle Au pays des contes. Et est-ce que, en plus de cette création, bon, aujourd'hui vous êtes là, vous êtes déplacé, c'est un remerciement, un échange de remerciements, j'ai envie de dire. Mais est-ce que maintenant ce livre va donner lieu à des ateliers de lecture ? Alors des ateliers de lecture, je pense qu'ils peuvent se faire dans les services de pédiatrie avec les éducateurs, les animatrices, mais c'est aussi un livre qui va partir avec les enfants. Et sur Montluçon, puisque nous sommes sur Montluçon, nous avons l'expérience de livres qui voyagent jusque dans les écoles, des textes qui sont lus, appris avec les enseignants, et puis aussi un partage avec les parents, parce que c'était ça aussi ce que je voulais, c'est qu'il y ait un partage autour du livre avec les parents. L'hospitalisation est un moment toujours difficile. C'est aussi, on pourrait dire entre guillemets, un moment privilégié pour les parents qui sont à côté de leurs enfants. Ils sont là avec eux pour partager un moment avec eux. Et je trouve que c'est intéressant de partager ce moment autour d'un livre, d'une histoire qui leur permet de s'évader. Oui, se rapprocher autour de la souffrance en fait, et créer d'autres liens grâce à tous ces petits soucis que l'on peut croiser dans les hôpitaux. Mais écoutez, moi je vous remercie beaucoup. Je trouve que c'est un projet non seulement intéressant, mais surtout qui à mon avis apporte énormément aux enfants, parce que nous c'est aussi notre volonté au niveau du livre et du conte, car on sait au grand combien ça peut faire évoluer les choses dans le bon sens. Donc bravo, merci, et puis peut-être à un autre jour. Merci à vous aussi, puis peut-être un autre jour, puisque c'est la 5e fois que l'on vient au CHU, et on a d'autres projets. Hein. Eh bien, à très bientôt alors. Au revoir. Eh bien, bien voilà, donc c'était le petit mot de la présidente de l'association. Et tout de suite, eh bien, on va écouter aussi l'attachée de communication de l'hôpital Destin qui va exprimer un petit peu justement ce qu'elle a à dire par rapport à ce projet. Alors c'est court, mais c'est vrai qu'il joue un rôle aussi du coup très important dans la réalisation de ce projet, vu que c'est eux qui accueillent depuis longtemps et qui un très bel accueil au CH Destin qui est fait à l'association, hein, puisque il y a vraiment une très belle organisation, hein, les enfants sont là, le goûter est prévu, tous les livres sont étalés, les musiciens ont fait un live pour les enfants, c'était vraiment très très bien. Voilà. Et ben on écoute tout de suite. Bonjour, je suis avec Benjamin Hérault. Bonjour. Chargé de la communication et des missions culturelles au CHU de Clermont-Ferrand. Voilà, je crois que c'est vous qui avez un petit peu organisé cette rencontre. Alors nous avons surtout la chance d'avoir été approchés par la SEM, donc l'association dont Madame Pénard est la présidente, et nous mettons à disposition les locaux, mais nous sommes surtout les récipiendaires de ce don, et c'est plutôt en tant qu'accueillant, qu'organisateur que nous sommes là aujourd'hui. Donc les livres ont été distribués aux enfants au mois de décembre. Y en a-t-il encore qui seront distribués ou vous avez déjà tout donné ? Alors les livres sont offerts aux services, hein, donc aux différents services du pôle pédiatrie. C'est-à-dire qu'il y a 5 services en pédiatrie et les ouvrages sont offerts aux établissements, à l'établissement. C'est-à-dire qu'on les met à disposition des enfants. Et donc évidemment le but c'est de pouvoir les utiliser pendant que les enfants sont hospitalisés, qu'ils puissent également les reporter chez eux une fois le séjour à l'hôpital terminé. Ah d'accord, ils repartent avec. Donc ça c'est quand même important. Et puis vous en gardez certainement aussi en permanence ici. On accueille beaucoup, beaucoup d'enfants, donc c'est vrai que ce type d'outil est toujours nécessaire et indispensable pour les animatrices de l'espace enfant qui sont au plus proche des enfants malades au quotidien. Et du coup, vous avez le CD qui tourne en boucle dans tout Destin. Voilà, exactement, dans les services de pédiatrie, puisque c'est bien un don qui s'adresse aux enfants hospitalisés, hein, tout à fait. D'accord, ben merci beaucoup de votre accueil. Au revoir. Au pays des contes, Radio Campus 93.3. Bien voilà, comme il y a beaucoup, beaucoup de choses à vous faire entendre aujourd'hui, eh bien, nous allons partir sur le CD de lecture. Parce que comme au pays des contes aime bien être proche de l'actualité, nous avons choisi avec Virginie Ma vie de clandestin. Mardi 11 septembre. Il y a 15 jours, je suis partie de Chine avec ma famille et d'autres clandestins en camion. Nous avions chaud, soif et faim. C'était si inconfortable que je ne parvenais pas à dormir et donc à me reposer. Ce matin, ma mère m'a réveillée, nous étions enfin arrivés. Elle m'a dit que nous étions dans le centre de la France. Les passeurs nous ont donné l'adresse d'un foyer. En sortant du camion, nous étions impressionnés. « Je suis enfin arrivée », pensais-je. « Une nouvelle vie m'attend. » 2 heures plus tard, nous passions la porte du foyer où nous étions hébergés. À l'entrée du foyer, il y a un immense jardin fleuri et beaucoup d'arbres. Le hall d'entrée, décoré de tableaux de plusieurs pays, donne sur une cuisine qui est un self-service. Les chambres belles et assez grandes peuvent accueillir 4 personnes. Quelle différence avec mon ancien logement! Tout ici est si clair, si grand, si beau! Mercredi 12 septembre. Ce matin, c'est mon premier jour de cours au collège Pablo Picasso. En arrivant, la prof m'a présenté aux autres élèves. Je ne connais que quelques mots de français, mais j'ai compris en voyant leurs expressions agressives que les autres élèves se moquaient de moi et me rejetaient. Le moment de la récré arrive enfin. J'ai essayé de parler aux autres élèves en faisant des gestes, mais ils n'ont rien voulu savoir, et j'ai bien senti qu'ils se moquaient de moi. Jeudi, 13 septembre. Aujourd'hui, une nouvelle élève est arrivée. Elle s'appelle Lia. Elle aussi est chinoise. Tout de suite, elle s'est assise à côté de moi. Elle aussi a été rejetée par les autres, alors nous sommes devenus admis tout de suite. Je pense que cela s'est fait car nous avons des choses en commun. Nous parlons la même langue. Nous nous sommes raconté notre vie en Chine, notre voyage et un peu notre déception. Vendredi 14 septembre. Aujourd'hui, la prof nous a demandé un exposé sur le pays qu'on voulait. Je me suis mise avec Lia et nous avons évidemment choisi le thème de la Chine. Dimanche 16 septembre. Ma cousine Claudia nous a traduit notre texte en français. Quelle différence entre les deux écritures ? Mais la nôtre est plus belle. Ensuite, nous nous sommes amusés ensemble. Lundi, 17 septembre. Nous avons lu notre exposé devant tout le monde et nous avons eu une bonne note. Dans notre texte, nous avons parlé de l'urbanisation, de la Chine actuelle, des coutumes, de la vie culturelle, de la gastronomie. En Chine, nous mangeons des nems, ce sont des rouleaux que l'on fait frire et qui sont composés de feuilles de brique, d'un hachis de bœuf, de poulet, d'œufs et de légumes. Nous mangeons aussi des rouleaux de printemps, des nouilles et des raviolis chinois. En conclusion, nous avons écrit « Nous aimons beaucoup notre pays, mais nous aimerions avoir des amis ici. Nous n'avons pas choisi la France, mais nous voulons nous intégrer. Notre exposé a touché tout le monde et ils ont enfin changé leur regard sur nous. Ils étaient émus et même surpris par ce texte. Les jours suivants, ils nous posaient plein de questions sur la vie en Chine. Nous nous sentions plus heureux et mieux intégrés. » C'est l'histoire d'une petite fille qui est une sirène, hein, et elle emmène son ami bleu dans le lac. Voilà. C'est pour vous situer un petit peu dans la chanson. Et une nagère heureuse. Rose et bleu, amoureux. Rose et bleu sont heureux. Cette histoire, faut y croire. Des secrets partagés. Dans l'eau, un cadeau, pierre de mer, quel mystère, cette histoire, faut y croire, dans le lac, quelques smacks, rose et bleu, amoureux, rose et bleu, sont heureux, cette histoire, faut y croire, des secrets partagés, rose et bleu, amoureux, rose et bleu, sont heureux. Au Pays des Contes sur Radio Campus 93.3 et nous diffusons un reportage spécial que Christine a fait au CHU Destin. Alors au CHU Destin, eh bien, donc, il y a ce fameux livre avec tous ces musiciens, ces illustrateurs et toute cette équipe tout autour, mais il y a également bien entendu les plus concernés, les enfants. Alors tout de suite, on va écouter la petite interview des enfants qui s'expriment et juste derrière, vous entendrez parler Bam qui est le musicien ainsi que deux illustrateurs, Fabienne Cinquin et Grégory Barek. Alors, ils sont peut-être pas dans cet ordre-là sur l'interview, mais bon, c'est une fille et un garçon. Hein, vous devriez y arriver. Allez, c'est parti. Inès, Émile, Céline. Bonjour, mademoiselle. Oui. C'est comment ton prénom ? Inès. Inès. Alors, il paraît que tu as eu le droit d'avoir un livre qui s'appelle Mélie mais l'autre. Oui. Tu le connais, ce livre ? Oui. Comment ce livre est arrivé entre tes mains ? Avec Ginette. Ginette ? Et qui est Ginette ? C'est quelqu'un de l'hôpital Destin ? Oui. Il y a longtemps ? Oui. À Noël, je crois, non ? Oui. Oui ? Et il y a d'autres enfants qui ont lu le livre en même temps que toi ? Non. Non ? Est-ce que tu aimes bien lire, toi ? Oui. Et c'est quoi ton histoire préférée ? C'est le livre des contes. Le livre des contes ? Ah ben, va falloir que tu nous écoutes alors sur Radio Campus. Oui. Et quel conte tu préfères encore le plus au monde ? Les fées. Et quelle fée ? T'en as une en tête ? Les clochettes. La fée clochette avec Peter Pan. Oui. Hein, qui veut rester un enfant toute sa vie. Oui. Et toi, t'aimerais bien rester un enfant ? Oui, non. Ah non. C'est bien de grandir aussi, hein ? Oui. Ben, je te remercie beaucoup, Inès. Est-ce que tu veux en profiter pour nous parler de quelque chose ? Non. Non ? Eh bien voilà, vous avez eu Inès sur Radio Campus, et qui, à qui on remercie et à qui on fait un gros bisou. Au revoir. Maintenant, je suis avec Céline, une jeune fille qui est venue écouter ce spectacle, voir ce livre et qui va s'atteler à un atelier dessin avec les illustrateurs. Bonjour Céline. Bonjour. C'est que ce livre, je l'ai lu plusieurs fois et il y a des très belles histoires, des très beaux poèmes. J'ai adoré et puis... C'est bien, il y a des beaux dessins et c'est magnifique. Est-ce qu'il y a une histoire qui a retenu particulièrement ton attention ? Il y en avait plusieurs que j'ai bien aimées. Je ne sais plus les titres, mais il y a plusieurs histoires qui m'ont un peu marquée. Et est-ce que tu lis les histoires ou est-ce que tu as plaisir aussi à écouter le CD ? J'ai aussi le plaisir d'écouter le CD. Alors, plus la musique ou plus les histoires ? Les deux. Eh bien, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous dire sur ce livre ? Non. Eh bien, merci. Et puis, régale-toi bien avec ce livre, alors. À bientôt. Au revoir. Et maintenant, me voilà en présence d'Émile. Bonjour, Émile. Bonjour. Alors, donc, tu viens participer à cet après-midi. Ce livre, tu le connaissais ? Non. Tu ne l'avais pas eu en main ? Il a été distribué au mois de décembre ? Si, mais je n'en avais jamais vu avant des livres comme ça, là. Ah, c'est la première fois que tu vois un livre comme celui-ci ? Oui, avant décembre. D'accord. Et tu as entendu au moins quelques histoires tout à l'heure, quelques chansons. T'en penses quoi, toi, de tout ça ? C'est bien, parce que c'est... Ça explique l'hôpital et tout. Comme sur l'histoire là de Yannick et tout, même à l'hôpital, on peut s'amuser. Et toi, donc, t'arrives à t'amuser aussi ? Ouais. Avec le livre et le CD, entre autres, mais sûrement avec d'autres choses ? Oui, avec quand on va en salle de jeu, ou quand il y a les clowns qui viennent et tout, on s'occupe. Ah. Ils viennent souvent, les clowns, à l'hôpital d'Estaing ? Mardi. Tous les mardis ? Ouais. Et puis on connaît quelqu'un, nous aussi, au Pays des Contes, la Filou Mobile. Tu la connais, celle-là, cette Filou Mobile ? Avec Philippe Guillaumin ? Non. Il vient conter des histoires dans les chambres ? Non, il est jamais venu. Oh, mais on va lui dire alors qu'il a loupé les chambres. Écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu aurais d'autres choses ? Par exemple, les dessins. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur les dessins, les illustrations de ce livre ? Qu'elles sont bien faites. Elles vont bien avec l'histoire. Elles font voyager en même temps que les mots. Oui. Émile, je te remercie beaucoup. Et j'espère que tu vas te régaler avec ce livre. Autant à le lire qu'à l'écouter. Au revoir, Émile. Au revoir. Au Pays des Contes. Radio Campus 93.3. Eh bien, Bam, bonjour. Bonjour. Que faites-vous ici ? Donc, je suis avec l'association ASEM pour venir chanter des chansons aux enfants dans l'hôpital. Et est-ce qu'il paraît, les chansons, en plus, ils peuvent déjà les connaître ? Voilà, donc c'est des chansons qui font partie d'un livre CD qui est distribué gratuitement aux enfants hospitalisés. Alors, l'ASEM, c'est une association pour les enfants malades. Donc, vous avez été plusieurs auteurs. Puisque des enfants ont écrit des histoires durant des ateliers. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Donc, au total, il y a environ 250 personnes qui sont investies dans ce projet, de la rédaction, que ce soit des textes, de la mise en musique, de l'enregistrement, de la finalisation du livre, de l'illustration aussi. Et donc voilà, il y a des enfants qui ont participé, des adolescents, des adultes, même des personnes âgées. Donc vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Et les ateliers, ils se déroulaient où exactement ? Ça dépend des groupes. Il y en a eu dans des écoles, dans des maisons de retraite, dans des organismes d'aide aux personnes, par exemple, qui ont du mal à parler. Voilà, beaucoup de monde. Et oui, c'est pour ça que vous vous retrouvez 250 bénévoles autour de cette aventure de Mélie Mélautre. Mais alors ce livre, si j'ai bien compris, on peut le trouver qu'ici. Voilà, donc il n'est pas en vente, il est disponible que pour les enfants hospitalisés et distribué gratuitement dans toute l'Auvergne et le Limousin. Bien. Et vous êtes auteur, compositeur de toutes les chansons ou uniquement compositeur et certains textes viennent des enfants également ? La majorité des textes ont été écrits, pratiquement même la totalité, ont été écrits par des personnes qui n'avaient jamais écrit de texte, contrairement aux quatre autres livres de l'association qui étaient sortis avant. Et Jean-Pierre et moi donc, avons fait la mise en musique des textes, certaines chansons, certains textes sont lus, donc on a mis une musique de fond. Voilà. D'accord. Bah, durant l'émission, on verra ensemble, mais on essaiera de passer de toute façon quelques morceaux de musique de l'album. Merci, Pam. Eh bien, derrière moi, on entend toujours Pam à la guitare, mais devant moi, nous avons un des illustrateurs du livre Mélie Mélautre. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette aventure ? Ben disons que c'était une très très belle aventure, car disons que moi je connais Bernadette depuis déjà un petit moment, et puis j'ai déjà participé à plusieurs projets, donc à plusieurs livres, et en fait, c'est le dernier livre, et donc elle m'a demandé de créer à la fois la maquette, quelques illustrations à partir de textes qu'avaient écrits des enfants à des ateliers. D'accord. Et cette aventure, parce que le livre, moi, les premiers contacts que j'ai eus datent d'il y a pratiquement 2 ans maintenant. Donc, est-ce que ça représente le temps qu'il a fallu pour que ce projet aboutisse ? Oui, effectivement, parce que la mise en place des ateliers était extrêmement difficile à mettre en place, hein, avec l'ensemble des écoles, d'associations ou de structures pour enfants. Et donc, après, il a fallu un peu dégrossir tout ça, si je puis dire, c'est-à-dire faire un tri dans les textes, les réadapter, les corriger, enfin bon, tout ce qui va avec. Et ensuite, il a fallu soumettre tous les textes à des illustrateurs. Donc, il a fallu avant les contacter, attendre qu'ils nous répondent. Et une fois que tout était mis en place, eh ben, je me suis chargé de la maquette. Donc c'était assez long. Oui, mais le résultat est là. On arrive avec un livre très coloré et puis en plus un joli CD de musique. Quelque chose à me rajouter sur cette aventure ? Ben, disons que ce qui est intéressant, c'est de après un long projet comme celui-ci, c'est de le soumettre, en tout cas de le mettre dans les mains des enfants et de voir leur réaction. Donc 2 ans, ça vaut le coup et pour le résultat, c'est merveilleux. C'est plein de sourires, je crois, sur les visages. Exactement. Voilà. Et donc le livre est sorti, enfin, en tout cas, l'Hôpital d'Estaing a été distribué au moment de Noël avec Bernadette Pénard, donc la présidente de l'association, la créatrice même de l'association, il me semble, qui doit être là aujourd'hui. Exactement. Donc on aura l'occasion de discuter avec elle. Et donc depuis, vous avez déjà eu des retours, parce que CHU d'Estaing, ok, c'était au mois de décembre, mais je pense que vous êtes passé dans d'autres endroits avant d'arriver ici. Alors là, pour le coup, on va dire que c'est la première fois qu'on est plus ou moins invité. Donc on va dire que Clermont, c'est le premier hôpital à nous inviter, à être en contact avec les enfants. Sinon, bon, on a déjà été à l'hôpital de Montluçon, au pôle mère-enfant. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout. D'accord. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Plein de jolis livres encore. Me voilà maintenant en présence de Fabienne Cinquin, une des illustratrices du livre. Alors bonjour d'abord. Bonjour. Alors qu'avez-vous à nous raconter ou à nous conter sur cette aventure ? Alors moi je suis une toute petite pièce de cette grande aventure, mais il y a quand même un chef dans la bande, c'est Bernadette Pénard, que j'ai rencontré il y a plusieurs années pour un premier projet de livre qui s'appelait, alors dans la collection ça doit être le numéro 2, non le numéro 3, enfin bref, non pardon le numéro 4, oh là là, qui avait pour thème sur la correspondance, et je suis J'aime énormément l'art postal, etc. Donc quand elle m'a demandé, j'ai dit oui tout de suite, avec beaucoup d'élan, beaucoup de plaisir. Voilà, mais bon, je suis... encore une fois, une petite pièce dans cette grande aventure, quoi. Oui, mais c'est... Mais vraiment très fière et très heureuse d'y participer. Oui, et puis vous naviguez donc aussi avec, donc comme là, Grégory, l'autre illustrateur, et puis avec Bam et l'autre musicien, vous suivez le mouvement. Donc, complètement, oui. Alors là, sans retenue, et oui. Ouais. Vous avez également fait partie des ateliers ? Non, pas du tout, puisque Bernadette est dans l'Allier, à Montluçon, et puis moi je vis à Clermont. Voilà, alors elle a son équipe de choc à Montluçon, et puis si quand elle vient dans la région de Clermont, j'arrive. D'accord. Et donc là, vous êtes en train d'illustrer encore un petit peu plus les livres qui se baladent au CHU Destin. Ces livres vont rester là ou ils ont une attention particulière ? Alors ces livres sont, là on est en train avec Grégory de faire des petites dédicaces pour les enfants. Et puis bah, ils les prennent, ils les amènent, c'est leur livre. Eh bien merci beaucoup Fabienne. Et puis au sixième livre alors. Avec plaisir, grand plaisir. Dans le regard de l'enfant, de beaux yeux bleus pétillants, ses longs cheveux foncés. Du Brésil éloigné, la petite fille Sonia, on l'accueille dans nos bras. Veux-tu t'asseoir avec moi? Veux-tu être mon amie? C'est notre classe que tu vois. Je suis contente d'être ici. Dans le regard de l'enfant venu d'Algérie, le soleil, lui, dans le regard de l'enfant, brille le bleu de la mer et les yeux de la mer. Dans le regard de l'enfant se dessine un grand pays où aimerait aller Lucie. Dans le regard de l'enfant, la lune et les étoiles dans le ciel sur un voile. Dans le regard de Sofiane se promène un chameau et un âne, dans un désert sans caravane. Dans le regard de l'enfant, des grands yeux pétillants nous racontent l'histoire immobile d'un petit garçon qui vient du Brésil. Dans le soleil de ses pupilles dansent de jolies filles, dans la plus grande joie sur un air de samba. Peut-être vient-il de Chine, il manque à ses parents qui travaillent en usine pour fabriquer des vêtements. Peut-être rêve-t-il de Chine, ses parents auront-ils la chance de gagner assez d'argent pour venir le voir en France. Et bien voilà, encore une petite chanson de Jean-Pierre Chauvet avec toutes les voix d'enfants que l'on entend derrière. Mais bon, tout ça, revenons sur Terre deux petites secondes, parce que le temps passe. Et Virginie, les actus, alors qu'est-ce qu'on fait là dans les 15 jours? Les 15 jours, du coup, moi j'ai prévu pour la semaine, parce que du coup, on avait dit 15 jours, et puis maintenant, on a dit la semaine prochaine. Oui, c'est hein, vrai. Voilà. C'est vrai. Alors, allez, vas-y. Voilà, bon, bah, les actus, ce sera du 8 au 15 février. D'accord. Alors, je vous propose tout d'abord une voix, même deux. Sortie le 10 février. Alors, c'est une sortie nocturne en raquette. Ça se passe à Solzay-le-Froid. Il y a 2h30 de marche. C'est à partir de 7 ans et le tarif est de 12 € par personne. Et il faut prévoir la location des raquettes pour ceux qui n'en ont pas. Donc, le rendez-vous est au domaine nordique de Pessade et c'est à 18h45. Et donc, à ce même endroit, vous pouvez faire votre baptême de chien de traîneau. Ça se passe le 12 février. février à 16h et à 17h. Donc c'est à Peyssade, c'est pour les enfants de 3 à 12 ans. Donc renseignez-vous à Tourisme Les Chères ou appelez au 04 73 79 37 69. 79 37 69. Il y a aussi eh bien, un spectacle que je vous propose d'aller voir le 11 février, ça s'appelle Boîte. C'est du théâtre par la compagnie Nouna Théâtre. C'est à 15h et à 17h au Strapontin à Issoire. C'est pour un jeune public à partir de 18 mois et le tarif est de 6 et 5 euros. Et puis, petite activité aussi à Le Zoo, le mardi 14 février. Je vous propose un stage de poterie pour les enfants de 6 à 12 ans. Le tarif est de 40 euros pour l'après-midi. Et le rendez-vous se passe, donc, ça s'appelle la poterie autour de la terre. Donc, le rendez-vous est à 14h et vous pouvez appeler pour réserver car il me semble que les places sont limitées entre 6 et 10 enfants, je crois, ou maximum 6. Enfin, voilà, les places sont vraiment limitées. Donc, il faut appeler pour réserver au 04 73 73 93 30. 73 93 30, c'est la poterie autour de la terre à Le Zoo. Voilà, donc c'est terminé pour les actus eh bien, de cette semaine. Pour la semaine prochaine, eh bien, si nous ne sommes pas là la semaine prochaine en direct, eh bien, je vous invite à vous renseigner sur Internet, sur le site du Puy-de-Dôme, sur le site de la ville de Clermont-Ferrand, sur si, tout ça, vous pouvez trouver toutes ces petites informations là-dessus, aller aussi en office de tourisme pour chercher les plaquettes des salles de spectacle, etc. etc. Le temps passe, oui, je parle. Eh bien, on va écouter dans ce cas une toute dernière chanson. C'est une chanson que Christine a enregistrée pendant son reportage au CHU Destin. Sur ce, sortez, bougez et éteignez vos télés. Larmes de crocodile, voilà le doigt sur la joue. Et poche de kangourou, on se frotte le ventre. Pince-moi toi le crabe, vous pincez votre voisin. Et fais ouh le hibou. Sois méchant comme une teigne. Ah, et doux comme un agneau. Bien malin comme un singe, les couettes. Et gai comme un pinson, le popotin. Larme de crocodile et poche de kangourou. Pince-moi, toi, le crabe. Et fais où le hibou. Sois méchant comme une teigne. Et doux comme un agneau. Bien malin comme un singe, les couettes. Et gai comme un pinson. Allez, on va accélérer, hein. Évidemment, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. On va aller de plus en plus vite. Et nous, on va essayer de vous faire tromper. Larmes de crocodile et poche de kangourou. Pince-moi, toi, le crabe. Et fais où. Sois méchant comme une teigne. Et gai comme un agneau. Bien malin comme un singe et gai comme un poisson. Larmes de crocodile et poche de kangourou. Pince-moi toi le crabe et fais où le hibou. Sois méchant comme une teigne et gai comme un agneau. Bien malin comme un singe et gai comme un poisson. Larmes de crocodile et poche de kangourou. Et fais où le hibou. Sois méchant comme une teigne et doux comme un agneau. Bien malin comme un singe et gai comme un poisson. 1, 2, 3, 4. Et gai comme un poisson. 1, 2, 3, 4. Et gai comme un poisson. Voilà. On se retrouve au Pays des Contes sur Radio Campus 93.3 pour annoncer malheureusement la fin de cette émission. Alors avant tout, eh bien, que dire, eh bien, sinon, si ce n'est que bah, Christine, merci. Merci pour ce très beau reportage, d'avoir été à la rencontre de ces auteurs, de cette association pour ce projet vraiment eh bien, magnifique, si on pour peut les dire. Enfants. Voilà, pour les enfants, par les enfants, entre autres. En plus. Voilà, donc toute cette équipe de plus de 250 personnes qu'on salue, qu'on remercie. Voilà, ça a été beaucoup d'émotions. Ouais. Tu as bien travaillé, Christine. On a senti aussi toute cette émotion à travers tes phrases magnifiques qu'on adore avec Pierre. Vraiment, on à chaque fois, on est emballé. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, je parle pas très bien non plus. Donc, bon, c'est pas trop mal. Non, mais voilà, merci. Quoi, merci. Moi, je parle que dire toi, bah, comme ça, au moins, oui, c'est mieux. Oui, tu te mouilles pas, toi. Non, voilà, merci beaucoup voilà, pour ce projet. Tu as bien bossé. On a réussi à faire une émission sympa, je trouve. On s'en est sorti. Pierre, est en transe et en sueur, mais c'est fait. Mais si. Mais si. Dis-le que t'en as. Pas du tout. Ça a été difficile pour toi. Je vais lui dire un gros mot. Il faut quand même dire qu'il avait les enregistrements, les CD, les virgules. Enfin bon, il avait plein de choses à gérer. Eh oui, mais il est trop bête. Et son sorti, il est trop fort, Pierre. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Pff, n'importe quoi. Enfin, heureusement qu'on a Pierre, hein, n'est-ce pas, dirons-nous, Radio Campus. Bon, allez, cela dit, maintenant je vais vous laisser, il est temps. Hein. On va écouter une toute dernière interview, c'est l'interview de la Caisse d'Épargne, qui est l'un des partenaires de ce projet, un partenaire qui, grâce à eux, ils ont pu aussi éditer ce livre, ce CD, tout ça. S'il ne serait pas là, ça n'existerait pas non plus. S'il n'était pas là, voilà, tout à fait. Donc, on écoute notre interview et à plus tard. Salut à tous. Maintenant, je suis avec quelqu'un qui, pour Bernadette Pénard, est d'une extrême importance. Parce que, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, 20 000 exemplaires, ça ne tombe pas du ciel. Et pour trouver des éditeurs, pour trouver des imprimeurs, il faut de l'argent. Et l'argent, il s'est trouvé à la Caisse d'Épargne, entre autres. Il y a eu l'EDF, bien sûr, mais aussi à la Caisse d'Épargne. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, du coup, quel est votre nom ? Alors, Dominique Desmarie, donc je travaille à la direction communication de la Caisse d'Épargne d'Auvergne et du Limousin. Et je travaille notamment énormément avec le secrétariat général qui est en charge donc tout le soutien au projet associatif sur l'Auvergne et le Limousin. Mais Mélie Mélautre, c'est le cinquième livre, mais il me semblerait que ce ne soit pas la première fois que vous soyez derrière eux. Non, effectivement, nous sommes partenaires de Bernadette Pénard et de son association ASEM depuis la toute première fois. Il doit y avoir déjà... Voilà, je cherchais la date. Voilà, et c'est un plaisir à chaque fois que d'accompagner cette association pour tout ce qu'elle réalise pour les enfants. Est-ce que, au niveau communication, est-ce que pour vous, sans parler d'impact, mais est-ce que c'est difficile à défendre un projet comme ça ? Non, c'est pas difficile à défendre, d'autant qu'il est tout à fait acté à la Caisse d'Épargne d'Auvergne et du Limousin que l'on consacre une partie de nos résultats aux projets associatifs, à soutenir des projets associatifs. Donc on soutient énormément de projets dans tous les milieux qui luttent contre les exclusions, qu'elles soient financières, qu'elles soient liées à l'âge, à la vieillesse, à la maladie. Voilà, donc c'est tout à fait dans nos gènes, si je puis dire. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On va être obligé d'arrêter parce qu'on ne va pas tout entendre, je pense. Donc, merci beaucoup de tout ce que vous faites. Au revoir. Merci, au revoir. Et oui, et bien voilà, c'est terminé. Avant de dire au revoir, je voulais m'excuser car l'enregistrement des histoires n'était pas assez satisfaisant pour vous faire voyager correctement. Mais promis, durant d'autres émissions d'Au Pays des Contes, nous diffuserons d'autres chansons et d'autres textes issus des CD. Ok, on a fait beaucoup de blabla aujourd'hui, il faut le reconnaître. Mais après tout, nous sommes une émission autour des mots. Et il est bien d'en partager d'autres autant que ces 250 bénévoles et participants ont partagé sans compter. Bon, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci au CH Destin de leur accueil, à Bernadette Pénard, Bam, Jean-Pierre Chauvet, les illustrateurs, les partenaires Auvergne-Limousin, les enfants, bien entendu, et vive les gens de cœur. En attendant, surtout, ne cessez jamais de rêver. Nous comptons sur vous. C'était Christine, le 27 janvier 2012. Il est 16h30, l'aventure est terminée, j'ai rencontré plein d'enfants, plein de gens formidables, que ce soit des partenaires, des illustrateurs, des éditeurs, et surtout beaucoup de bénévoles qui donnent leur temps. simplement pour faire rêver les enfants et les évader dans des endroits... Ah, heureusement, l'hôpital Destin est gai et chaleureux, malgré toutes les souffrances. Mais en tout cas, le livre « Mélie mais l'autre » les emporte autant par les histoires que par leur CD de musique. Au plaisir de se retrouver au Pays des Contes. Les bons plans du mercredi 8 février. Au café Les Augustes à 10h15.